En Corée du Sud, selon des dépêches, la lutte de toutes les couches sociales continue pour faire démissionner Park Geun-hye. Le 6 coron, la direction de Gwangju de la Fédération des syndicats de taxi démocratique du pays, relevant de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et le syndicat de taxi de la région de Gwangju, ont tenu à Gwangju un rassemblement pour revendiquer la retraite immédiate de Park Geun-hye, responsable de l'affaire. Après le rendez-vous, les participants se sont mis en manifestation à klaxon, portant au taxi le slogan « Que démissionne le pouvoir de Park Geun-hye, répression étatique du paysan Paenanggi ». Le même jour, la direction du mouvement de Daeseon pour la démocratie a tenu à Daeseon un meeting à la bougie et une manifestation pour la destitution de Park Geun-hye. Toujours le même jour, à Busan, à Ryongin de la province de Gyeonggi, à Gyeongju de la province de Gyeongsang du Nord et ailleurs aussi, des meetings des organisations civiles et sociales pour la démission de Park Geun-hye ont eu lieu simultanément, alors que le Parti démocrate de Bulo, pour la ville de Daeseon aussi, a tenu un rendez-vous exigeant de Park Geun-hye d'accepter l'opinion publique. Le 7 coron, les citadins de Séoul de tous les paliers sont descendus dans la rue portant la bougie à la main, alors que le comité pour la justice et la paix de la paroisse de Gwangju de l'église catholique a tenu une messe d'actualité à Gwangju avant de faire la marche à la bougie, et les conseillers municipaux de Gwangju ont accordé une conférence de presse pour revendiquer la retraite immédiate de Park Geun-hye. Le mouvement de déclaration d'actualité de toutes les couches continue toujours. Le 7 coron, l'action nationale contre le SAD, le comité de lutte de Songju contre la disposition de SAD, le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disposition de SAD, le comité de mesure urgente pour la défense de la terre sacrée de Songju du bouddhisme orthodoxe, des formations de lutte contre la disposition de SAD de toutes les régions, notamment Daegu, Daeseon et Gwangju, l'action des citadins de Busan pour la retraite de Park Geun-hye et d'autres formations civiles et sociales ont accordé en commun une conférence de presse à Séoul. Dans la province du Gyeongsang du Sud, plus de 2340 parents des élèves se sont réunis devant la préfecture en portant le slogan « Abba Park Geun-hye », alors que des professeurs et chercheurs de l'université Insee et des pasteurs aussi ont averti à travers leur mouvement de déclaration d'actualité que si la bande de Park Geun-hye continue à se moquer de l'opinion publique, elle ne pourra plus éviter le jugement de la population indignée. Quelques 540 diplômés de l'université de Séoul qui avaient participé à la résistance populaire de juin en faisant alors leurs études ont publié le 8 coron un manifeste d'actualité. Le 6, l'Alliance des jeunes et enfants du pays pour la politique et la diplomatie, réunissant des élèves de 53 écoles supérieures de la Corée du Sud, a rendu public à l'île de Yeouï à Séoul un manifeste d'actualité contre le pouvoir de Park Geun-hye au nom des jeunes et enfants de tout le pays. Des élèves de 10 écoles secondaires et supérieures de Gwangju aussi ont revendiqué le même jour dans leur manifeste d'actualité signé par plus de 200 personnes la démission de la présidente marionnette qui n'est plus nécessaire. Le 5 novembre, les jeunes et enfants de Gwangyang de la province du Jeolla du Sud ont publié des manifestes d'actualité par école. Par ailleurs, toutes les universités, notamment Sogang, Songyungwan et Songgonghae, ont affiché successivement des pancartes invitant à une grève des étudiants en livrant des activités publicitaires. Des associations générales des étudiants de toutes les grandes écoles relevant du Conseil de mesures nationales des étudiants aussi projettent la grève des étudiants. Par suite de la protestation de toutes les couches sud-coréennes de plus en plus véhémentes, des cérémonies pour gagner la popularité de la bande de Park Geun-hye sont remises, annulées ou réduites l'une après l'autre.